l'esprit, dans l'esprit, dans l'esprit, D-O-N-D-C-H-A, D-O-N-D-C-H-A, dans l'esprit, dans l'esprit, dans l'esprit, D-O-N-D-C-H-A, pour les miens, pour les miens, D-O-N-D-C-H-A. Le monde est ainsi fait, représente, représente, représente. Le monde est ainsi fait, pour les miens, pour les miens, pour les miens, pour les miens.